وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On s'est arrêté la dernière fois sur l'ilm qabl al-qawli wa al-amal, la connaissance avant la parole et l'acte, le titre qu'a évoqué l'imam al-Bukhari dans son sahih. Et on a dit que dans l'explication de Bukhari, dans le livre d'Ibn Hajar al-Asqalani, le meilleur savant qui a fait la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, il a évoqué la parole d'Ibn al-Munayyir, évoqué la parole d'un autre grand savant qui s'appelle Ibn al-Munayyir, et qu'il a dit une chose, que la connaissance, elle corrige l'intention, qui corrige à son tour la parole et l'acte. Ça, c'est une phrase à souligner. Que la connaissance, elle corrige l'intention. Et on a, pour expliquer ça, on a évoqué le hadith d'Abi Kabsh al-Anmari, rapporté par Tirmidhi. C'est un hadith Hassan Sahih. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la deuxième moitié du hadith, c'est un hadith long, il a dit, innama ad-dunya li arba', que ce monde-là appartient à quatre catégories de gens. Et il a énuméré les quatre catégories de gens. Il a dit, quelqu'un à qui Allah a octroyé la connaissance, la science, l'ilm et l'argent. Une fortune. Ça veut dire, Allah lui a donné une fortune et une science. Il craint ainsi Allah dans la façon de dépenser cet argent. Il en donne à ses proches, voyez, selon bihi rahmah. Et il sait qu'Allah a une part dans cette fortune. Il sait qu'Allah a une part. Il connaît la sunna du prophète, il connaît les règles qui régissent. Ça veut dire qu'il doit dépenser son argent selon des règles, selon les prescriptions de l'islam. Il sait qu'Allah a une part dans cette fortune, et cet homme occupe la position la plus enviable. Et la deuxième catégorie, là j'essaie de vous éclaircir que l'intention, que la connaissance, l'ilm, il corrige l'intention. Qu'une intention non précédée par la connaissance, qu'une intention non précédée par la connaissance est vaine. D'accord? La deuxième catégorie, quelqu'un à qui Allah a octroyé une science sans lui donner de fortune. Or, son intention est sincère. Le prophète a dit, or, son intention est sincère. Fahuwa sadiqun niyya. Quand il dit, si j'avais de l'argent, je dépenserais à la manière d'un tel, ça veut dire du riche, du savant, qui est riche. Il est alors jugé sur son intention, lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Rien qu'il a eu la ferme intention, de dépenser, s'il avait de l'argent, il le dépenserait comme le savant qui est riche, Allah va le récompenser par cette intention-là. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par la connaissance. Il a dit, voilà, si j'ai de l'argent, c'est ce que je vais faire. Je connais la zakat, le dixième, les huit catégories, le fuqara, le masakin, le amilin, les pauvres, les handicapés, les huit catégories qui sont énumérées dans Sourate Tawbah. Voilà comment je vais faire mon partage et tout. Donc, rien qu'il a eu cette intention, et l'intention, comme l'appelle Al-Sunnah al-Jama'a, acte du cœur, amal qalb. D'accord? Attention, les gens de la Sunnah al-Jama'a, ils respectent, ils donnent la valeur aux mots. Parce que, comme ils disent, le mot, il est support d'une signification. D'accord? On l'appelle acte du cœur. Intention, volonté, l'amour, la crainte, on ne les appelle pas sentiments, émotions. Ça, on laisse ça aux autres sectes. On appelle ça acte du cœur. Amal qalb. Donc, il a cette intention et il est récompensé pour cette intention. La troisième catégorie, c'est quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune sans lui donner de science. le voilà dépensant son argent à tort et à travers. Fahuwa yakhbet. Sans nullement craindre son Seigneur dans ses dépenses et sans rien donner à ses parents, il ne reconnaît non plus à Allah aucun droit dans sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Et la quatrième catégorie, quelqu'un à qui Allah n'a donné ni fortune ni science. Il n'a ni fortune, il n'a pas de science. Il ne peut que dire, si j'avais la richesse d'un tel, ça veut dire du riche et ignorant, je la dépenserai à sa manière. Il est alors jugé sur son intention, pareil que le précédent. Donc rien qu'il a eu cette intention mauvaise de dépenser comme l'ignorant, Allah va le juger à cause de cette intention. Subhanallah. Il n'a rien fait. La connaissance corrige l'intention pour connaître vraiment la valeur de l'ilm. Moi, je dis pas qu'il faut qu'on soit tous. Il y a des gens qui disent, quand je parle de la connaissance, de la science, ils croient que ça c'est pour les privilégiés, pour talabat al-ilm, pour les grands savants. Mais je vous dis une chose, enlevez l'ignorance de votre cœur, et ça c'est très important. Donc, ça, l'intention est considérée, si elle est ferme, elle est considérée comme un acte du cœur, et Allah nous récompensera rien qu'avec cet acte du cœur-là, qu'avec cette intention ferme. Et Cheikh Rahimahullah, il va évoquer d'autres actes du cœur dans l'adoration, et on va en parler, Inch'Allah. Maintenant, il y a un autre hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mentionner par écrit, c'est un hadith d'Ibn Abbas, rapporté par le Bukhari, et Muslim aussi, dans les deux sahih, où Allah, il a fait mentionner par écrit, par les deux anges, les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis il a donné cet éclaircissement. Il a dit, celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais n'a pu la réaliser, Allah glorifié et exalté, la lui inscrit comme une bonne action. Mais ça c'est une intention qui précède l'intention ferme. Men hem ma, l'hem. Il y a l'hem et il y a l'azm. Donc, parce qu'il y a ce hadith-là, les gens ils disent, et si quelqu'un il a eu l'intention de faire des bonnes œuvres et il ne les a pas fait, il va avoir que la récompense d'une seule bonne action. D'accord? Mais s'il a l'intention ferme de faire cette bonne action, il ne l'a pas fait, il est récompensé plusieurs fois. Ce n'est pas qu'une seule. Il n'aura pas que la récompense d'une seule bonne action. Et le reste du hadith, s'il a eu l'intention de la faire et s'il l'a exécutée, Allah lui inscrit pour elle une bonne action. Une bonne action supérieure de 10 à 700 fois et davantage encore. Et s'il a l'intention de commettre une mauvaise action, et s'il ne la fait pas, Allah lui inscrit comme une bonne action entière. Et s'il a l'intention de la faire, et s'il l'a fait, Allah lui inscrit comme une mauvaise action. Donc celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qu'il ne la fait pas, attention, il ne la fait pas par crainte d'Allah. Parce qu'il y a un autre hadith, le terme il n'est pas évoqué dans ce hadith-là, mais il y a un autre hadith qui l'explique, et où Allah il dit, il n'a pas fait cette mauvaise action parce qu'il m'a craint. فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ زَرَّائِ أَوْ مِنْ أَجْلِ. Il l'a laissé pour moi. Ce n'est pas comme quelqu'un, il a voulu faire commettre un péché, mais il a été invité par une autre personne et puis il n'a pas commis ce péché-là. On va dire, écoute, il y aura une récompense, il y aura une bonne action. Non. Il faut qu'il la laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. La suite de l'usul thalath. Donc maintenant, ça prouve quoi? Ça prouve que la connaissance corrige l'intention. Il y a des gens qui croient qu'ils ont, ils disent, moi j'ai une bonne intention. Moi, je suis véridique dans mon intention. Je ne veux que du bien. Parce que intention et volonté soient à peu près pareilles. Je ne veux que du bien. J'ai une bonne action. Il y a un hadith, je l'ai évoqué aussi dans la prière de Jumu'ah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith de Na'man ibn Bashir, hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'assemblance de celui qui reconnaît les limites d'Allah et l'assemblance de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun de sa place dans un bateau. Comme un groupe de gens, ils ont tiré au sort pour donner à chacun sa place dans un bateau. À certains revint le pont, et à d'autres revint la canne, et pour d'autres la canne. Donc à certains revint le pont, et à d'autres la canne. Ceux qui logeaient dans la canne, et la satina, ça veut dire le bateau, et c'est sur une eau douce, pas dans la mer, il est dans une rivière. Ceux qui logeaient dans la cale étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau, ça veut dire l'eau de la rivière. Ceux qui étaient dans la cale, ils étaient obligés de monter l'escalier ou l'échelle et déranger ceux qui sont au-dessus pour prendre l'eau de la rivière. D'accord ? Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de monter l'escalier ou l'échelle et prendre... Et qu'est-ce qu'ils dirent ces gens-là, ceux qui sont dans la cale ? Ils dirent, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserions de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. On dit, nous, on ne veut que du bien. Nous, on est miséricordieux. On ne veut pas déranger nos frères. On va monter, descendre, les pauvres, on va les déranger. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous qui avions une bonne intention, on va faire un petit trou, comme ça, et on va puiser l'eau directement sans les déranger. Nous on a rahma, on a la miséricorde. Ils dirent, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserions de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il les laisse, ça revient à ceux qui sont au-dessus. S'il les laisse réaliser ce désir, c'est leur perte. Il a une bonne intention, mais il mène à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Cette intention n'est pas précédée par la connaissance. Comme quoi, s'il fait un trou, il y a l'appel du guide, et puis il y a la montée de l'eau, et le bateau va descendre. Il n'a pas cette connaissance. Mais il dit, moi j'ai une bonne intention. Tu vois? Vous voyez l'importance de la connaissance. S'il les laisse réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Et s'il les en empêche, c'est leur salut à tous, à eux et à tous. C'est clair maintenant que la connaissance corrige l'intention. Qui corrige à son tour la parole et l'acte. La suite de la suite c'est اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم على كل مسلمة على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. Apprends qu'Allah te soit miséricordieux, que tout musulman, homme ou femme, doit apprendre et pratiquer les trois principes suivants. D'accord? C'est ça? Les trois principes suivants. Le premier principe, tout ça c'est une introduction, hein. Il a commencé par les quatre faits, suivi des trois faits, avant qu'il rentre dans les principes fondamentaux. Avant que je cherche, tout ça c'est une introduction. Donc, apprends qu'Allah tu sois clément ou tu sois miséricordieux, que tout musulman, homme ou femme, doit apprendre et pratiquer les trois principes suivants. Le premier principe, Annallaha khalaqana, qu'Allah nous a créés, d'accord, nous a comblés de ses bienfaits et ne nous a pas laissés en toute gratuité. Donc le premier principe, c'est qu'Allah nous a créés, nous a procuré notre subsistance et ne nous a pas négligés. Mais il nous a envoyé son messager. Donc, le premier principe, Allah nous a créés. La création, c'est quoi? La création, c'est le fait d'exister sans éléments préexistants. Ça veut dire, Allah, il nous a créés de rien. Et les preuves sont nombreuses. Les preuves sont nombreuses. « Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun » Allah, il dit dans l'An'am, c'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Dans la sourate 6, le verset 2. Et il dit aussi, parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Dans la sourate 42 et le verset 29. Donc ça c'est l'épreuve qu'Allah, c'est Allah qui nous a créés. Et la création d'Allah, elle est précédée par quoi? Elle est précédée par le qadar, par la connaissance, après la connaissance, l'écriture, et ce n'est qu'après qu'il y a, après bien sûr la volonté, le mashi'a, et après il y a la création, les quatre degrés du destin et de la prédestinée. Donc Allah, il a écrit, et après il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat 54, le verset 45, « Quant à nous, toutes choses, nous avons créées, précédées par le radar, prédestinées. » Et dans le hadith de Bukhari, ce hadith-là, on l'a évoqué aussi dans Sirah al-Nabawiyyah, l'année des délégations. Hadith de Imran ibn Hussein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allah était un, Allah était rien d'autre avec lui, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Et son trône était sur l'eau, et il avait écrit toutes choses dans le dhikr, dans la table gardée. Et il a créé, les cieux et la terre. Donc Allah, il est le premier, subhanahu wa ta'ala, rien avant lui, subhanahu wa ta'ala, et le dernier, rien après lui. Et il a créé l'eau, et il a créé le trône, subhanahu wa ta'ala, la première créature. Et après le trône, il a créé le qalam, ou le stylo. Il lui a dit d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Donc, et dans un hadith de Muslim aussi, Allah a décrit la destinée de toutes ces créatures avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans et son trône était sur l'eau, subhanahu wa ta'ala. Donc, de 50 000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et on peut déduire ça par le texte qu'Allah, il est notre créateur. Et par la raison aussi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a signalé dans le verset 35 de la sourate Tour, la sourate 52. Allah il dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Donc deux choses. Ou bien ils sont créés de rien, ou bien sont eux les créateurs. Ils ont créé eux-mêmes. La suite du verset, où ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Donc l'homme n'a pas créé sa personne. L'homme n'a pas créé sa personne. Donc la deuxième chose, c'est qu'il est créé. Quelqu'un l'a créé. L'organisme, son organisme, comment il pompe. Tout ça, tout ce qu'on voit dans les cieux et la terre, tout ce qu'on voit en nous-mêmes et tout, ça prouve qu'Allah, que derrière cet univers bien organisé, qui obéit à des lois, à des règles, qui est beau aussi, prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens sont aveugles. Qul inzuru ma za fi as-samawati wa ma fi al-ard wa ma tughni al-ayatu wa an-nuzuru 'an qawmin la yu'minun. Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Allah dit dans surat Yunus, le verset 101. Allah khalaqana wa razaqana. Donc, il nous a créés, il nous a procuré notre subsistance. Preuve dans le texte. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa. إلا ليعبدون ما أسألهم من رزق أو بقية الآية ما أعطني لكم. Je n'ai créé les djinns et les hommes et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Dans Surah 51, les versets 56, 57, 58. Et par la raison, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous on ne peut pas vivre en dépend de l'oxygène, on ne peut pas vivre sans oxygène, sans eau, sans nourriture, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Afara'aytum ma tahrutun » أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Avez-vous idée de ce que vous labourez? Vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou si c'est nous? أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Si nous voulions, nous réduirons tout ça en débris. Et vous, vous passerez le temps en regret. Et il dit aussi, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Avez-vous idée de l'eau que vous buvez? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Est-ce vous qui le faites descendre des nuages ou c'est nous qui le faisons? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. Si nous voulions, nous l'aurions fait saumâtre, que n'en avez-vous gratitude? Donc ça, c'est des preuves que c'est Allah qui nous donne, qui nous donne la nourriture, qui nous donne notre subsistance. Donc la création, la rizq, l'attribution de la nourriture appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas un être humain sur terre qui renie ce tawhid-là, cette unicité. Qu'Allah, il est le créateur et qu'il nous donne notre subsistance, il peut le faire par orgueil. D'accord? Mais rien que par la raison, tout le monde sait qu'il y a un créateur. Que derrière cet univers-là, il y a un créateur. Et Allah, il le dit dans le Coran. Il dit, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah, il dit dans Sourate Yunus, dit, qui vous attribue de la nourriture des cieux et de la terre? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Qui détient l'ouïe et la vue? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Et qui sort le vivant du mort? وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui sort le mort du vivant? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et qui administre tout? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Ils diront Allah. Et il, ça revient aux mushrikines, aux associateurs et aux mécréants, parce que plus bas, dans les versets, il dit, قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. Allah, il dit dans la suite, dit, parmi vos associés. Ça veut dire que ils disent, ou ils diront Allah, revient aux mushrikines, aux associateurs. Parce que la suite du verset, les versets qui sont venus après, il explique. Alors, quand il dit parmi vos associés, qui donne la vie par une première création et la redonne après la mort. D'accord? Et il y a d'autres versets. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça, c'est dans Sourate Yunus. Et le verset que je viens de dire, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça, c'est dans Sourate Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Et la suite du verset, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Ils diront à Allah, dis alors pourquoi ne pas réfléchir. Dans le verset 23, dans Sourate 23 et le verset 84-85. Il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ils répondront à Allah. Eux, ils répondent. Les mécréants vont dire à Allah. Ils répondent. Dit, ne craignez-vous donc pas? Parce que qu'est-ce qu'on leur demande? Ils croient, ils savent qu'Allah est le Créateur. Allah, il dit, pourquoi ne pas le craindre? Parce qu'Allah, il veut qu'il l'adore. Par la crainte, par l'amour, par la vénération, par la salat, par le jihad, par la da'wah, etc., etc. Hein? C'est l'ibada. La suite, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah, il dit qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé si vous le savez. La suite, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تَسْحَرُونَ. Ils répondront, Allah, dit comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés. Ça, c'est Sourate Al-Mu'minun. Ça, c'est Sourate Al-Mu'minun. Dans une autre sourate, la sourate de l'Ankabut, la sourate de l'araignée, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a assujetti le soleil et la lune et assujetti le soleil et la lune, ils répondront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Dans le verset 61 de Sourate Al-Ankabut. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dit louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc si on découvre que quelqu'un ne reconnaît pas l'existence d'Allah, c'est par orgueil. Pharaon, il a dit, Pharaon qui a dit « Ama Rabbul Alamin » une question comme ça, il se moque de Moussa alayhi salam, il lui dit « Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ?» dans la surat 26 et le verset 23. Et il dit aussi « وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ » Et quand Pharaon, et Pharaon dit « Oh notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi » dans la surat 28 et le verset 38. Et il a dit aussi dans la surat 70, le verset 79, le verset 24 « وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » Et il dit « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut. » Hein? وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. C'est par orgueil. C'est par orgueil qui a dit ça. Et il, dans surat 28, verset 39, Allah il dit « Et il s'empla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats, sans aucun droit. » Et Allah il dit dans, surat, dans une autre surat, surat Naml, dans le verset 14, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Et ils nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Allah, il nous dévoile ce qu'il y a dans son cœur. Il a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut, mais dans son cœur, il croit qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu qui l'a créé, etc. Donc, il est convaincu, il sait qu'Allah est le Créateur. Pharaon lui-même, il sait qu'Allah est le Créateur. Dans surat Isra, où Allah il dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَثْبُورًا. Et Moussa, qu'est-ce qu'il va dire? لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْبَصَائِرِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Je traduis. Et certes, nous donnâmes à Moïse, à Moussa, neuf miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit, oh Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Inni la azunuka ya Moussa mashhura. Et Moussa, alayhi salam, il va dire, et il dit, Moussa, tu sais fort bien que ces choses, laqad alimta ma anzala haoula, ces choses, tis'a ayat, les neuf miracles, que ces choses, ça veut dire le bâton, le jarad, les sauterelles, les poux et tous les miracles qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam, et la main blanche, et il dit, Moussa alayhi salam, tu sais fort bien que ces choses, ça veut dire les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Seul Allah, seul le Seigneur des cieux et la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, au Pharaon, je te crois perdu. Donc, la tawhid de l'unicité de la création, l'unicité de du fait de donner la nourriture, qu'Allah il est unique dans le rêve, ça, tout le monde y croit. Donc celui qui dit, il explique la ilaha Allah, il dit il n'y a de créateur qu'Allah, c'est Allah qui nous nourrit, c'est Allah qui fait pleuvoir, c'est Allah qui a les trésors, qui a tous les trésors, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah, son unicité est incomplète. S'il définit Tawhid, la ilaha illallah, par cette unicité-là, on va dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et Abu Jahl. Parce qu'Abu Jahl, il sait qu'Allah est le créateur. Et on a évoqué plusieurs versets comme preuve. لا يقولون الله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Si vous leur dites qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Et le problème c'est dans quoi? Le problème c'est dans quoi? Quand tout le monde reconnaît Allah, tout le monde va rentrer au paradis. Le problème c'est dans quoi? C'est nous vers lui. C'est tawhid, l'ibada, l'unicité de l'adoration. Ah. Oui, je crois qu'il est le créateur. Mais je suis dans un autre monde. Je ne l'adore pas. Je ne le suis pas, je n'obéis pas à ses lois. J'obéis aux lois d'autres. C'est dans l'adoration. L'ibada. Et on va éclaircir après, Inch'Allah. La suite, Allah a khalaqana, wa razaqana, wa lam yatrukna hamala. Wa lam yatrukna, la traduction c'est marqué, il ne nous a pas négligé, c'est ça? Il ne nous a pas négligé. D'accord, il ne nous a pas négligé. Il ne nous a pas laissé Hamel. Yatrukna, ça veut dire laisser. Et Hamel en langue arabe, c'est quand on abandonne un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons sans berger. On l'appelle Hamel. Le jour, un troupeau de moutons abandonné, le jour sans berger, est appelé Hamel. Parce que la nuit, s'il est abandonné, on l'appelle Nefesh. نفش وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيهما غنم القوم et داود et سليمان quand ils durent à juger de l'emblavure où avait divagué de nuit le troupeau collectif. S'il divague de nuit on appelle نفش, s'il divague de jour, s'il se perd le jour sans berger, on appelle Hamel. Donc Allah ne nous a pas laissé comme ça, il ne nous a pas laissé comme ce troupeau sans berger. D'accord. Donc ça, c'est le Hamel. Il ne nous a pas négligé, si vous voulez, la traduction qu'ils ont mis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'oun. » Pensez-vous que nous vous ayons créé en pure gratuité et que de vous-même, il ne nous fut pas fait retour, dans surat 23 et le verset 115. Et il a dit, « Wa ma khalaqna as-samawati wal-arda wa ma baynahuma » لاعبين. Et nous avons, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux. Nous les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans le surat 44 et les versets 38-39. Allah, il ne joue pas quand il a créé les cieux et la terre. Il a assujetti les étoiles et tout il a assujetti la terre et tout pour nous, pour qu'on vive dessus. C'est pas comme ça par jeu, Allah ne joue pas, mais pour une raison bien précise, pour qu'on l'adore. On a khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tout ça, Allah nous a créé. Il nous donne un taux d'oxygène bien précis, il a fait que l'atmosphère nous protège contre les rayons cosmiques et qu'il filtre une certaine lumière, etc., etc. Rien ça, pour rien. Sans raison valable, tu portes un manteau, pourquoi? Parce qu'il fait froid, je le porte. La raison de le porter, il fait froid. Et les chaussettes, oui, parce qu'il fait froid, je mets des chaussettes. Et toi-même, moi, c'est, je sais pas moi, le Big Bang est puissant en raison, j'ai été créé du hasard. Subhanallah. Le vêtement que tu portes, chaque chose, à quoi ça sert cette feuille? Pour une raison, pour qu'on écrit dessus, etc. D'accord. Et chaque cellule de ton corps, oui, chaque cellule, elle est spécialisée et il y a des cellules qui sont spécialisées à la sécrétion de la cellule. Il y a des cellules qui quoi? Des cellules qui que chaque organe, chaque cellule, chaque tissu, il a un rôle bien précis. Il a une raison d'être. Et toi, qui contient ces cellules-là? Non, moi, c'est le hasard, moi. C'est le hasard, après on va devenir poussière, après il n'y a rien. Subhanallah, c'est le manque de raison. Ayahsabul insanu. Allah dit dans Surah Al-Qiyamah, l'homme croirait-il qu'on le laisse Souda en toute gratuité? Imam Shafi'i dit Souda, ça veut dire sans enseignement, sans ordre, sans interdit. D'accord? L'élément créant, Allah dit deux, ou l'adina kafaru, yatamatta'una, ou yakuluna kama ta'kulul an'am, ou annaru mathwan lahum, dans Sourate Muhammad. Allah dit, et ceux qui mécroient, jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Et le feu sera leur lieu du séjour. Ils jouissent, hein, boulot, métro, dodo, fini. Après ça, il n'y a rien. Subhanallah. Bel arsala ilayna rasoula. Bel arsala ilayna rasoula. Mais il nous envoya un messager. Il nous envoya un rasoul. Laissons un rasoul. Il nous envoya un rasoul. Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais comment adorer Allah? Comment adorer? On va se réunir dans un endroit, on va faire la danse là, des derviches tourneurs pour montrer qu'on adore Allah. On va chanter peut-être, on va chanter des poèmes. On va chanter des poèmes. Comment on l'adore? Comment? La façon de l'adorer. Il faut le prophète, il faut le rasoul. Donc le prophète sallam nous montre comment adorer Allah. Il faut la connaissance. On a une bonne intention. On va danser pour montrer qu'on aime Allah. On va danser. Mais il n'est pas précédé par la connaissance. D'accord? Donc, pour l'adorer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est suivre le prophète, suivre le rasoul. D'accord? Il n'y a pas d'autre moyen. Comment l'adorer? Comment l'adorer comme il aime, lui, subhanahu wa ta'ala. Parce que l'adoration et l'amour sont à peu près, murad et fin, sont à peu près, et sont très liés. L'amour, tout ce qu'aime Allah, il l'a légiféré. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. J'ai agréé la religion de l'islam pour vous. Donc, pour qu'Allah soit satisfait de nous, pour qu'on fasse ce qu'il aime, lui, la seule façon, c'est suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, le Coran, la Sunna, et l'unanimité des savants, ce qu'on appelle l'Ijma'. Donc, Rasoul, c'est quoi? Bel arsala ilayna rasoula. Il nous a envoyé un Rasoul. Il y a Rasoul, il y a Nabi. Rasoul vient de Risala, ça veut dire l'envoyer. Et Nabi, ça vient de Naba. Naba, ça veut dire l'information importante. Une information qui est très importante, on l'appelle Naba. Et il vient aussi de Naboua, un endroit surélevé. Donc c'est le Nabi, le prophète, il est à un rang élevé. D'accord? Mais quelle est la différence entre Rasoul et Nabi? Déjà, ils ont en commun une chose, c'est que tous les deux, ils ont reçu la révélation. D'accord? Tous les deux ont reçu le wahi. Tous les deux ont reçu le wahi. Mais la différence, c'est que ça, les savants ont un peu divergé là-dessus. Il y a trois avis. On va les évoquer. La première, c'est qu'ils disent que le Rasoul, il vient avec une législation nouvelle, qui abroge la législation précédente. D'accord? Comme a fait Isa pour la législation de Moussa. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Je suis venu confirmer ce qui a été révélé, ce qui était dans la Torah. Wa li uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum. Et je suis venu vous autoriser certaines choses qui vous ont été interdites. Donc, abrogation. Il y a une certaine abrogation. Donc, une législation nouvelle. Donc le Rasoul, il vient avec une législation nouvelle. Et le Nabi, il ne vient pas avec une législation nouvelle. Il vient que confirmer la législation du Rasoul qui l'a précédé. D'accord? L'une des différences. Mais d'autres savants, on ne va pas rentrer en fait dans les divergences. D'autres savants ont dit que Adam est Nabi, et non pas un Rasoul. Et pourtant, il est venu avec une législation. Mais ça, c'est les divergences. D'autres ont dit que le Rasoul a reçu la révélation, mais il est obligé de transmettre la révélation. Le Rasoul, l'envoyé, il reçoit la révélation et il doit la transmettre. Et le Nabi n'est pas obligé de la transmettre. Ça, c'est un avis des savants. Chaque avis est à discuter, mais C'est un des avis des savants. D'autres ont dit que le Rasoul, c'est celui qui a été envoyé à un peuple qui est en désaccord avec lui. Ça veut dire qu'il y a une confrontation, la mise à l'épreuve est une confrontation. Et le Nabi, le prophète, il est envoyé à un peuple qui n'est pas en désaccord avec lui, et ça c'est le choix de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ça c'est son choix. Que le Rasoul, il est en conflit avec son peuple, il est mis à l'épreuve et ils sont en désaccord avec lui, et le Nabi, il n'est pas en désaccord avec son peuple. Wallahu a'lam. Donc, il y a entre eux une généralité et une spécificité, si vous voulez. Donc, tout Rasoul est Nabi. Et tout Nabi n'est pas Rasoul. Ça, il faut le connaître. Et il est venu pourquoi? Pour montrer à la communauté comment adorer Allah, pour leur faire connaître Allah et leur montrer comment adorer Allah. Et en même temps, pour témoigner. Hujja, témoigner sur eux. Comme ça, ils n'ont aucune preuve devant Allah, aucune excuse devant Allah le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vers la fin du surat Nisa, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin, wa nabiyina min ba'de. Comme nous avons fait à Nuh et les prophètes qui sont venus après lui. Wa awhayna ila Ibrahima, wa Isma'il, wa Ishaq, wa Ya'qub, wa al-Asbab. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et à l'Asbat. L'Asbat, normalement, c'est les fils de Yaqub. C'est les fils de Yaqub. Wa Isa wa Ayyuba, wa Yunus wa Harun wa Suleyman, à Jésus, à Ayyub, à Yunus, Jonas, à Harun et à Suleyman, wa Ataina Daouda Zaboura. Et nous avons donné les psaumes à David. Wa Rusulan, لم نقصصهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moussa d'une vraie parole. وكلم الله موسى تكليما. Il y a une traduction. On va en parler de certaines traductions dans le Coran Ada. Il marque une vive voix, il faut pas le mettre, faut mettre un très haut. À la fin du dars, on va en parler, de certains versets. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah a parlé à Moussa, une vraie parole. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. En tant que messager annonciateur et avertisseur. Voilà. Annonciateur, ils annoncent la bonne nouvelle, entre parenthèses, bonne nouvelle, Mubashirin, le paradis, etc. Wa munzirin est avertisseur, parce qu'il y a l'enfer, il y a le châtiment de l'enfer. Donc il y a le message et comment adorer Allah. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah, wa kana Allahu aziz al-hakima, et Allah est puissant et sage. Dans surat 4, les versets 163, 164, 165. Dans un autre verset, si nous les avions détruits pour les châtier, il pourrait dire, laqalu, Seigneur, Rabbana, lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatik. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils pourraient dire, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de sorte que nous suivions tes signes, hein, que nous suivions tes enseignements. Lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika. Avant d'être avili et mis à mal, nous suivions tes signes ou tes enseignements avant d'être li'alla likayla nazilla aw nakhza. Dans surat Taha, surat 20, et verset 134. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Aussi bien nous nous châtions nous qu'une fois dépêché un envoyé. Allah, il ne châtie pas un peuple ici-bas et dans le delà qu'après avoir envoyé un prophète ou un envoyé pour qu'il témoigne de ces gens, il témoigne contre eux. Salam ala man la nabiyya ba'da. Je continue. La Risala où le cheikh rahimahullah, il dit bal arsala ilayna rasula, il nous a envoyé un rasoul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, celui qui l'obéit rentrera au paradis. Celui qui obéit au prophète ou au rasoul rentrera au paradis. Allah a lié l'obéissance de son envoyé à la sienne. Al faman yuti' ar-rasula wa man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah, celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah. Il a lié son obéissance à l'obéissance de son prophète. Dans Surat Nisa, le verset 80. Et il a mis aussi comme condition pour gagner son amour l'obéissance du messager, du rasoul. Qul in kuntum tuhibbun Allah, dit, si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, suivez-moi, ça veut dire suivez-moi le prophète, suivez-moi, yuhibbukum Allah, Allah vous aimera. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم et vous pardonnera vos péchés. والله غفور رحيم, et Allah est clément et miséricordieux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. قل أطيعوا الله والرسول, la suite du verset dit obéissez à Allah et au Rasoul, فإن تولوا, et si vous tournez le dos, فإن الله لا يحب الكافرين, si vous tournez le dos, Allah n'aime pas les gens infidèles. Donc dans Sourate 3, verset 31 et 32. Et il a relié ça aussi, l'obéissance du Rasoul, à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Fa'ati'u Allah wa ar-Rasoul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son envoyé, et à l'envoyé, afin que vous receviez ou afin que vous ayez la miséricorde d'Allah, que vous gagniez la miséricorde d'Allah. Et obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et il dit aussi, Allah, dans Surah 4, verset 13, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Et quiconque obéit à Allah et à son Rasoul, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et voilà la grande réussite. Surat 4, verset 13. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Dans Sourate An-Nur, et quiconque obéit à Allah et son Rasoul et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Dans Sourate An-Nur 24, verset 52. Et dans la Sunna, hadith du Bukhari, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, كل أمتي يدخلون الجنة, toute ma communauté entre au paradis. إلا من أبى, sauf celui qui s'en refuse. Toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et ils dirent, les compagnons ont dit, قيل ومن يأبى يا رسول الله, et qui s'y refuse envoyé d'Allah. Et le prophète sallam a dit, من أطاعني دخل الجنة, celui qui m'a obéi entre au paradis, et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. ومن عصاني فقد أبى. Donc comment obéir à Allah et à son envoyé en comprenant les enseignements du Coran et de la Sunna et en les mettant en pratique. Donc si notre extérieur est bon, notre intérieur est bon. Si nos actes extérieurs de dévotion, tous nos actes extérieurs sont bons, notre intérieur est bon. D'accord ? C'est au contraire, si nos actes et nos paroles, notre aspect extérieur ne sont pas conformes à la sunna, notre cœur ne se purifiera jamais. D'accord? Donc quand on se conforme à la sunna, on la met en pratique, notre intérieur est bon. Quand on adore Allah avec les innovations, avec l'ignorance, hein, avec l'ignorance qui change l'intention, qui la fait dévier, donc notre intérieur

ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais le ghaïb, si je connaissais l'invisible, le mystère ou le futur, j'aurais eu des biens en abondance. J'éviterais les obstacles. Et aucun mal ne m'aurait touché. Voilà ma saniyassou. In ana illa bashirun wa nadir. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un associateur, est un annonciateur. Les khawmin, un avertisseur est un annonciateur pour les gens qui croient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même que qu'il ne connaît pas l'invisible. C'est ils l'ont vanté. Ils l'ont ya akram al khalq mali man aloudu bihi siwaka inda hudouth al hadith al amali. Il dit, oh le plus noble des créatures, je n'ai que toi pour demander secours lorsque les grandes catastrophes viennent. Ça c'est dans le poème. Je n'ai que toi. Allah non. Il est la Rabbi subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Non. Je n'ai que le prophète.